m'aurait dit bonsoir en morse. En extraterrestre. Ah, c'est un extraterrestre. Passe-moi ici, c'est le mois prochain. Alors, bienvenue à cette conférence qui, ce soir, a pour titre « Canalisons l'émotion en énergie constructive ». C'est impossible. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a une erreur d'imprimerie. La semaine passée, on a appris que l'émotion, c'était destructif. Comment peut-on canaliser l'émotion en énergie constructive quand l'émotion est destructive? Voilà, j'ai répondu à un extraterrestre. Que je vais te poser une autre question. Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Mais si l'émotion est destructive, comment peut-on construire avec quelque chose de destructif? On dit qu'on construit avec de la dynamite puis ça détruit. Je pensais justement à la dynamite. C'est ce que je pensais que tu pensais. Voilà, il s'est répondu. Bon, la conférence. Comme vous n'avez pas entendu ce qu'il vient de dire, hein? C'est pas mal bon. Comment peut-on bâtir, à part la dynamite? En canalisant convenablement. Comment on canalise convenablement quelque chose? Que ce soit l'énergie nucléaire, que ce soit la dynamite, que ce soit l'essence extrêmement dangereuse dans un moteur automobile, il n'y a aucun problème, c'est très utile. À peu près tout ce qu'on sert, quand c'est mal canalisé, ça pollue, ça tue, ça détruit. Quand c'est bien canalisé, ça construit, ça dépollue, ça en charge. On a des produits chimiques qui, en liberté, polluent, puis on s'en sert aussi pour dépolluer. Parce qu'ils réagissent avec d'autres produits chimiques, ça crée des produits qui sont moins polluants. Bon, ça dépend comment c'est canalisé. L'émotion, c'est sûr que c'est quelque chose qui est dangereux. Ça tue, ça vieillit, ça rend malade, ça détruit. Et bien canalisé, ça peut construire, ça peut guérir, ça peut créer. Ça dépend comment on canalise. Qu'est-ce que c'est canaliser? Canaliser, c'est s'arranger pour que les énergies ne soient pas... On parle de bien canaliser, évidemment. Donc, non canaliser, ça veut dire que l'émotion, la personne, elle est extrêmement sensible, puis elle est totalement charriée, ce qui fait qu'elle rentre de quelque part, elle voit quelque chose qui n'est pas tellement beau, puis là, ben là, après, faut tant que ça l'aurait fumé pendant 2 semaines de drogue. On lui dit qu'elle est laide, et là, c'est la dépression totale 2 jours après. L'énergie sort à travers ce qu'il a, puis elle prend le métro, elle est totalement déstabilisée par les personnes autour d'elle. Elle sort dehors, elle voit un oiseau, elle est totalement restabilisée. Bon, l'énergie n'est pas canalisée, l'énergie émotive. L'énergie émotive mal canalisée, c'est lorsqu'une personne va trouver que quand elle est en colère, eh bien, elle a raison d'être en colère, c'est une colère juste. Quand elle est jalouse, c'est une jalousie juste, c'est mal canalisé. Mais là, elle canalise l'émotion, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre ce qui, normalement, serait un peu n'importe où, et elle arrive à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sortes d'émotions particulières, plus concentrées. Une personne qui est extrêmement violente, elle canalise normalement son énergie émotive. C'est mal canalisé. Une personne qui est toujours aux oiseaux, qui est toujours heureuse, c'est mieux, mais encore là, il peut y avoir un problème. Donc, canaliser, ça veut dire prendre toute l'énergie qu'on peut avoir au niveau de l'émotion, s'arranger pour vivre une forme de stabilité émotive. Donc, au lieu d'être toujours un peu n'importe quoi, tu es soit toujours de mauvaise humeur, soit toujours malheureuse, soit toujours heureuse, soit toujours de bonne humeur. Enfin, bref, un peu, disons, tu es toujours un peu plus la même chose. Mais canaliser, c'est concentrer? C'est un peu comme concentrer. Ça veut simplement dire, comme prends par exemple de l'eau, si quand il pleut, l'eau tombe un peu n'importe où pour éteindre un feu, c'est pas génial. Mais si tu ramasses toute l'eau qui tombe dans la montagne, elle va dans une rivière, dans un lac, là, tu as une pompe, tu canalises ça dans un tuyau, puis là, tu arroses ton incendie, là, c'est efficace. Alors, finalement, canaliser, c'est pas nécessairement de concentrer, mais ça veut minimum dire faire en sorte que toutes les énergies poussent dans la même direction, passent dans la même direction, puis vont à la même place. Ça, c'est canaliser. Comment on fait pour canaliser l'émotion de façon à ce que ça nous détruise? Il faut qu'on s'en serve différemment. C'est-à-dire, premièrement, il faut comprendre le principe même qui fait que l'émotion détruit. On a vu un peu la semaine dernière que chaque fois que l'être humain vivait une émotion, il avait une réaction endocrinienne, donc il y avait une réaction de sécrétion d'hormones, plus souvent qu'autrement. De temps en temps, ça peut être exocrinien. Normalement, quand c'est exocrinien, ce n'est pas mauvais. Quand je parle d'exocrinien, ça veut dire que ça sécrète des substances corporelles qui vont à l'extérieur. Et normalement, ce sera les larmes. Il y a aussi quelques sécrétions endocriniennes qui peuvent être utiles, c'est celles qui créent des réactions exocrines, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Alors, on aurait par exemple le rire, mais un rire qui est convenable. Pour bien canaliser l'émotion, il faut comprendre le principe même que l'émotivité, ce n'est pas un facteur qui appartient à l'homme. L'émotivité est un facteur qui appartient à l'âme, pas à l'homme, ni à la femme, ni à l'enfant. C'est quelque chose qui appartient à l'ego. Et c'est quelque chose, donc, qui appartient à l'entité qui cohabite avec nous autres, au virus corporel, au virus de conscience. On a souvent expliqué que quand on vivait certaines choses, bien souvent, on était toujours mal pris à se poser la question « Pourquoi j'ai fait ceci ou pourquoi je n'ai pas fait cela? » Et ce que je dis souvent, c'est que l'être humain est manipulé. On est deux qui cohabitent ensemble dans le même corps physique, dans la même conscience, dans le même véhicule d'expression de la conscience, pas dans la même conscience. Alors souvent, quand on pose la question, est-ce que tu... Bon, ben, pourquoi tu fais ceci? C'est niaiseux? La personne répond, oui, je sais que c'est niaiseux. Pourquoi tu le fais? Et la personne est toujours court-circuitée là. Et ça, faut, pour bien comprendre le phénomène de l'émotion, bien parvenir à discerner ce que l'on est de ce que l'on n'est pas. Et dans ce qui est exprimé par ce que l'on pense à être, c'est pas toujours ce que nous sommes. Donc, il y a énormément de choses que l'on fait qui sont absurdes, mais nous ne les faisons pas. Par contre, il y a quelque chose qui cohabite avec nous autres dans le corps physique, qui vit de l'absurdité, qui vit de la mémoire et de la tradition, ce qui fait que si on comprend quelque chose, ça ne lui sert pas. Il faudra qu'on l'ait compris pendant 20 ans pour que ça devienne une expérience mémorielle chez l'ego, dans l'âme, donc chez le virus. Puis quand c'est devenu une expérience mémorielle, il s'en sert. Et c'est ce qui fait que l'être humain a toujours l'impression d'évoluer ou d'avancer ou de changer lentement, pour la simple raison que vous comprenez subitement quelque chose, mais avant que ça vous serve dans votre vie, ça peut prendre peut-être encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je ne dois plus faire ceci, mais je le fais encore. Alors l'humain, il dit, maudit que je suis faible. Il canalise encore mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas faible. Mais celui qui se dit qu'il est faible, c'est l'ego aussi. C'est pas seulement pas le mental. Non, l'ego ne dit pas ça. C'est le mental qui dit qu'il est faible, ça me surprendrait. L'ego ne dit pas qu'il est faible. L'ego répète qu'il est faible. L'ego exprime qu'il est faible. Parce que le mental l'a observé? Le mental a observé des choses, puis le mental constate que le mental n'arrive pas à rien faire. L'ego, c'est un amorti de mécanique mémorielle. Puis le problème dans le changement personnel, dans l'évolution, c'est que vous êtes, disons, carnivore, vous passez votre temps à tuer les corneilles dehors, les corbeaux, les pigeons, les chats, les chiens, tout ça, les rats aussi, vous en mangez, puis subitement, vous conscientisez que c'est pas correct. Puis il y aura des maladies, en même temps, vous pourriez aller acheter votre viande, puis bon, au lieu d'acheter des cartouches, vous achetez de la viande, donc c'est le même prix, et il y a moins de danger, etc., etc. Maintenant qu'on l'a compris, ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie de notre ego, donc du virus. Nous ne sommes pas de l'ego. Quand on dit la puissance de votre subconscient, c'est faux. Quand on arrive à développer la puissance de son subconscient, tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à convaincre le foutu subconscient de nous laisser en paix. Puis quand il nous laisse en paix un peu, bref, quand il cesse de nous nuire, bien là, subitement, on commence à aller mieux. Alors, le subconscient n'a pas de puissance. C'est exactement comme chaque fois que tu as le pied dans un piège, eh bien, développer la puissance du piège. Ouvrez-le. Puis là, regarde la puissance que ça donne. Voyons donc, c'est pas la puissance du piège du tout. Mais parce qu'on s'imagine, nous autres, que le piège fait partie de notre pied, puis c'est lui qui mord le sol, bien là, on dit, on va le contrôler, on va l'ouvrir, puis ça nous donne la puissance. Mais on n'a pas saisi le principe. On serait mieux de dire neutraliser la puissance de votre subconscient. Oui, c'est ça. Alors donc, dans l'ego, il y a la partie de l'ego qui vit uniquement, par exemple, carnivore, qui mange très mal. Puis à un moment donné, il y a le mental. C'est-à-dire, nous sommes les êtres intelligents à l'intérieur du corps physique, mais nous n'avons pas la capacité de contrôler totalement le corps. Ce qui fait que nous, mais bien que nous soyons intelligents, ça ne paraît pas trop. Mais c'est évident, on ne contrôle pas trop. Si tu es un bon conducteur, puis il y a quelqu'un qui, par télécommande, conduit en même temps que toi, tu as beau être le meilleur conducteur du monde, ça ne paraîtra pas. Et parce que l'humain trouve que ça ne paraît pas, il en déduit qu'il est mauvais. Mais le conducteur fait au maximum, oui, mais je voulais tourner à gauche, puis ça tournait à droite. Alors, dis pas que tu es mauvais conducteur. Dis que tu ne contrôles pas tout. Mais, bon, il faut qu'on se dissocie pour pouvoir se servir des émotions convenablement. L'ego, donc, mange mal. Subitement, vous êtes capable d'exprimer dans la conscience de l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis capable d'exprimer dans mon corps physique, dans mon système neuronique. Autrement dit, je suis capable de même avoir des mots. Les mots, c'est des mémoires, ce sont des formes. Je suis capable d'avoir des mots pour conscientiser dans la forme, donc dans la mémoire, dans la conscience humaine psychologique, donc dans ma psychologie, que ce que je fais n'est pas convenable, je pourrais faire mieux. Mais là, immédiatement, je viens de créer un choc dans mon ego. J'ai toujours mon ego. Le choc que j'ai créé, c'est une impression. Donc, je viens d'impressionner l'ego. Puis une impression, c'est comme si je prends un moule, je frappe sur du bois, il laisse, ça reste une trace. C'est l'impression. Cette impression-là devient une autre partie de mon ego, qui, elle, maintenant, va tout faire pour entrer en guerre contre la partie qui veut manger de la viande. Et c'est ça qui est le jeu. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis « maudit que je suis faible », bien, c'est la partie qui est là, qui est de l'ego, qui, elle, se plaint. Mais elle n'a pas constaté, donc elle ne dit pas, dans le sens prononcé clairement qu'elle est faible, le mental non plus. Mais il y a une expression qui se fait, puis à travers les mots, ça va être dans ce genre-là. Il y a une partie de l'ego qui, elle, aime se nourrir de faire pitié. Alors, les deux mises ensemble et que je suis faible. Pourquoi tu es faible? Parce que je ne parviens pas à cesser de faire ceci. Oui, mais c'est pas vous qui le faites. Donc, vous avez réussi à ne pas le faire. Puis ça, il faut que l'humain comprenne. Exactement comme si on dit, moi, j'en reviens pas qu'on soit encore sexiste. T'es-tu sexiste, toi? Ah non, non, absolument pas. Ben, je comprends pas l'idée. Tu dis, j'en reviens pas qu'on soit encore sexiste, toi, tu ne l'es pas. C'est parce que la partie de ton ego se collectivise à l'ensemble des égos, puis parce que l'ensemble des égos n'est pas capable de ne pas être sexiste, bien, lui, il en déduit que lui non plus n'est pas capable d'être sexiste. Bref, j'en reviens pas qu'on ne soit pas capable de. Alors que si on prend juste ton unité à toi, est-ce que tu l'es? Non. Donc, c'est réussi, c'est réglé. Qu'est-ce que tu as à te plaindre qu'on ne le soit pas alors qu'on l'est? Toi puis moi, on l'est. On n'est plus sexiste, c'est réglé. Alors pourquoi on se plaint du fait que socialement, on ne le soit pas, on soit encore sexiste? Et pour l'ego, c'est la même chose. Bien souvent, on se plaint, et c'est ce qui va engendrer des émotions qui ne sont pas canalisées parce qu'on pourrait être, par notre intelligence, bref, par nous autres, des émotions à la place qui nous canalisent vers des situations de vie qu'on ne veut absolument pas vivre, ou qui de temps en temps nous plaisent, mais attends de voir le pot après. Parce que quand ça nous plaît, on veut les conserver, l'ego veut les conserver. L'ego, c'est une mécanique de mémoire qui se nourrit de l'expérience. Autrement dit, c'est une partie, c'est la psychologie, c'est une partie, une grosse partie de ce qu'on est, qui se nourrit de la répétition. Et ça, c'est le problème. Parce que l'émotion, c'est justement ça. L'émotion, c'est le désir de répéter une perception par sentiment. Vous avez vibré à quelque chose, vous voudrez répéter l'expérience. Et ça, c'est de l'émotivisation. Donc, c'est de l'émotivité qui nous oblige à essayer de répéter des événements. Et parce qu'on veut le répéter, on n'est pas la même personne. Exemple, quand vous êtes totalement là, puis que vous vivez un événement particulier qui résonne avec vous, donc qui rentre en résonance, pas en dissonance, et de rentrer en résonance, il vous fait vibrer, donc vous aimez pas ça, vous êtes bien, c'est correct, c'est parfait, c'est merveilleux, on aime, mais on aime sentimentiquement, donc on vibre. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'ego, vu qu'on vibre, il y aura une correspondance par l'énergie vitale au niveau du corps physique. L'énergie vitale, c'est connu un peu, on appelle ça souvent l'énergie yin et yang, qui est acupuncteur, se sert. Et l'énergie, surtout, l'énergie d'intelligence chez l'homme, c'est l'énergie minale. Bon, ça va être découvert à un moment donné par les acupuncteurs. Présentement, on travaille surtout sur les correspondances animales, donc yin et yang. Mais vu que ça vibre, il y aura des correspondances au niveau des carrefours d'énergie. Il y en a 63 dans le corps physique, dont 7 principaux, qu'on appelle souvent les chakras. Vu qu'il y a une résonance, il y a le centre d'énergie vitale. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il a une correspondance avec le système endocrinien. Alors, si quelqu'un qui connaît un peu les chakras, les carrefours d'énergie, il va se rendre compte, par exemple, qu'il y en a un qui s'appelle coronarien. Bon, le chakra qui est relié au niveau du cœur, au niveau du typhus, il y a une glande là, chez l'enfant qui est le typhus. Cette glande se calcifie en vieillissant, mais il y a une correspondance là. On a un chakra qui est le Muladhara chakra, qui est relié aux glandes sexuelles. On a un chakra coronal qui, lui, est relié à la glande pinéale. On a un chakra qui est en avant ici, que souvent les gens appellent le troisième œil, qui est relié à la glande hypophyse. Tous les grands carrefours d'énergie sont reliés à des glandes du système endocrinien. Et les centres d'énergie ne sont pas corporels. Bon, bien souvent, on les dessine sur le corps physique, comme quelqu'un qui se concentre sur son chakra du troisième œil. Bien, le chakra du troisième œil est dans le corps vital. Donc, l'individu se concentre en réalité sur des cellules cutanées, ou des cellules osseuses, ou des cellules... Bon, mais il ne se concentre pas sur... Bon. Ce qui arrive, c'est qu'étant donné que l'être humain résonne à quelque chose, et ça, c'est une perception de ce qu'on peut appeler l'amour de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, mais qui est toujours, par les archétypes, ramené à l'amour de l'animal humain, c'est-à-dire qu'à l'instant où l'humain vibre quelque chose, il résonne, c'est de l'émotion pur, donc du sentiment en réalité, ce n'est pas de l'émotion telle qu'on la connaît. Alors, on va dire que ce n'est pas de l'émotion. Il n'y a pas de sécrétion endocrinienne. Mais parce qu'il y a une réaction vitale au niveau du corps vital de l'humain, parce qu'il y a une correspondance au niveau des glandes endocrines, il y aura une stimulation de la glande endocrine non sécrétative. Il n'y aura pas de sécrétion d'hormones, sauf qu'il y aura comme la même vibration que si la glande se met en fonction. Mais la glande vibre, mais ne sécrète pas. Et là, ce qui va arriver, c'est que ça, c'est corporel. Donc, l'ego, celui qui répète, le répéteur, l'ego, ce qu'il fait, lui, c'est que détectant dans le corps physique quelque chose qui semble être une sécrétion, automatiquement, il en décode qu'on était en train de revivre une expérience, et là, il se met à sécréter. Et comment tu peux faire pour l'empêcher de faire ça? Bien, juste avant, ce qu'on doit comprendre, c'est que parce que la première fois qu'on vibre à quelque chose, c'est une réaction sentimentique qui se fait dans tout le corps, puis qui se fait ailleurs, puis on est là, et c'est là qu'il y a une nuance. Quand on vit des émotions, on peut avoir foi, on peut avoir peur, on peut être gêné, on peut avoir honte, on peut avoir hâte. Quand on vit une relation énergétique, on n'a pas foi, on n'a pas peur, on n'a pas hâte, on n'est pas angoissé, on n'est pas pressé, on ne pense pas demain, on ne pense pas hier, on est vivant, instantanément, là. Mais on ne retient pas mémoriellement toute la gustation de l'événement. Ce qu'on va retenir mémoriellement, c'est la transmission corporelle de l'événement. Ce que tu as senti dans tes tripes. Mais tout le reste au complet, j'étais bien. Puis t'as pas, j'étais extraordinairement bien, c'était, oh, non, t'as rien de ça. C'était pas grand-chose. Mais pas grand-chose dans la mémoire. Mais c'était énorme dans le vivant. Donc, c'est pas grand-chose pour l'ego parce qu'il l'a pas mémorisé? Oui, c'est ça. Vous l'avez vécu. Mais le virus, la copie mémorielle, répétitrice de ce que nous sommes, elle ne l'a pas vécu. C'était trop vivant, trop pur pour qu'elle le décode. Alors, elle, l'ego, va donc se contenter de se rappeler ce qui s'est passé dans le corps physique par la correspondance de centre d'énergie. Est-ce que la différence entre une émotion et un sentiment, ça serait que l'émotion est mémorisée puis le sentiment l'est pas, grossièrement? Pas grossièrement, c'est uniquement ça. Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la deuxième fois qu'on voit la chose, l'ego veut revivre la stimulation endocrinienne du corps physique. Et là, ce qui arrive, c'est que vous retournez, par exemple, devant un événement similaire. Puis je répète qu'on se nourrit énergétiquement, sentimentiquement. Donc, quand je parle de canaliser les émotions convenablement, c'est qu'on va apprendre progressivement à canaliser ce qui engendre l'émotion. Mais on peut se plaire énergétiquement d'un paysage, donc des montagnes rocheuses, du décollage d'une navette spatiale. On peut se plaire du corps physique de quelqu'un. On peut se plaire de sa gestuelle. On peut se plaire d'une esthétique de maison, d'une peinture, d'une fleur, d'une parole. Et l'humain, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va trouver qu'il y a un amour pur qui va être l'amour de l'esthétique de l'onde de forme d'une rose, d'un papillon, bon, de certaines choses. Puis à l'instant où l'homme doit regarder le corps d'une femme, ben là, il n'est plus sûr que c'est de l'amour pur. À l'instant où, par exemple, une femme regarde le corps d'un homme ou encore un adulte regarde un enfant et vice-versa, on n'est plus sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de répétitions dans la correspondance vibratoire et le système hormonal que chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, l'ego qui veut se nourrir, lui, hormonalement de la communication, vient immédiatement s'en mêler et là commence à obliger les sécrétions hormonales dans nos corps physiques pour pouvoir se nourrir du phénomène, et c'est pourquoi l'humain émotivisé devient toujours l'animal. Alors, par exemple, tu te promènes dans la nature, et tu découvres un paysage extraordinaire, puis là tu vois des petites fleurs qui sont extrêmement belles. Mais le temps que tu les regardes, il n'y a rien. Tu n'as pas peur, tu n'as pas froid, tu n'as pas chaud, rien. Tu es vivant. Puis ça, l'humain n'a pas suffisamment la capacité encore de vivre de cette émotion pure, donc du sentiment, d'être vivant là. L'idée, c'est qu'on se dit toujours, oui, mais il faut une raison pour. Non, il n'y a pas de raison pour. Cette vibration, cette relation énergétique, elle est gratuite. Il n'y a pas besoin de raison pour. Donc, ça n'a pas besoin d'être utile, ça n'a pas besoin d'être serviable, ça n'a pas besoin de nous rapporter quelque chose, ça n'a pas besoin d'être comestible. Il y a une relation qui se fait, une symbiose qui se fait au niveau d'énergie, et là, il y a même un échange d'énergie, mais disons, de notre point de vue, on se nourrit du paysage. Mais là, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va s'en nourrir, et là, quand elle a fini la relation énergétique, quand on est sevré, quand on en a suffisamment, ça arrête. Émotivement, ça n'arrête jamais. C'est le problème, c'est un répétiteur. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai vu mes petites fleurs, et puis là, ben, j'arrête. Puis là, maintenant, je suis gavé de l'onde de forme. Alors, je m'assois, et puis je peux regarder ailleurs, je peux avoir le goût de continuer à marcher, mais là, mon ego me dit, « Hey, Pierre ou Madeleine, elle aimerait ça les voir. » Là, je deviens collectif, je deviens émotif, je deviens... Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer mes fleurs pour les cueillir. Là, c'est de l'émotion. Et là, je vais les amener avec moi. Mais je ne suis plus dans le sentiment. Exactement comme quand je vois des tulipes, je les trouve extraordinairement belles, alors je les tue, je les mets dans un bocal, je les mets sur ma table de cuisine. Mais là, c'est de l'émotion. Je ne suis pas dans la réaction de ce sentiment. C'est qu'autrement dit, c'est que tout ce qui m'intéresse des fleurs, c'est ce qu'elles permettent à mon ego de sécréter dans mon corps physique pour vivre. Quand la fleur fane, je les aime plus. Alors, je les prends, je les fous poubelles. Alors, regarde. Vous avez, on a nos fleurs sur notre bocal, on a un enfant dans la maison, il rentre, il voit nos belles roses, il les prend, il les casse, puis il les jette. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, non, t'étais malade, qu'est-ce qui se passe? Des si belles roses, des... mais maison. Quand elles sont fanées, t'es prêt, toi, t'es casse, t'es jette. À l'instant où ça ne rapporte plus à ton ego, on peut détruire. Mais pourquoi la personne crie si l'enfant prend les belles roses puis il les jette? C'est que l'enfant vient de lui ôter la possibilité de se nourrir émotivement de quelque chose. Parce que finalement, dans l'émotion, l'ego se fout de tout. Alors, moi, j'aime ma femme, mais si elle change trop, je l'aime plus. Pourquoi? Parce que mon ego émotivement est habitué de se nourrir, donc je veux répéter des choses. Puis si ma femme change trop, mon ego doit s'adapter, doit changer. Et donc, des parties de mon ego qui doivent mourir, puis d'autres parties qui doivent se développer. Mais quand tu dis se nourrir, comme tantôt, dans l'action vivante de regarder les fleurs, aller jusqu'à ce qu'on soit gavé de l'énergie, hein, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un transfert énergétique? C'est une relation avec les chakras, que tu expliquais tantôt. C'est une relation avec les chakras, mais c'est exactement comme le système digestif. On n'a rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'en profiter, d'en bénéficier. Mais énergétiquement, la personne qui se dit, oh, ben tiens, je vais retourner là-bas, il y a des si belles fleurs, elle est déjà morte. Et quand elle va arriver là, elle ne pourra pas les savourer de la même façon. Tout ce qu'elle va pouvoir faire, c'est nostalgiser sur le passé. Ah, qu'elles sont belles, ah, qu'elles sont belles. La première fois, j'ai vu ça, moi, ces fleurs-là, ça m'a tellement. Mais c'est ça, t'es mort. T'es plus dedans. Assez qu'un individu peut, par exemple, se contenter de photographies, de peinture, d'un paysage. Mais est-ce que ça nourrit énergétiquement une photographie? Non. Ou pas? Ça nourrit l'ego ou ça fait sécréter? Ça va nourrir uniquement si l'individu n'est pas en recherche d'émotions. Mais ce qui arrive, c'est que tu as vu un paysage tellement beau, tu le prends en photo, tu le fais agrandir, tu le fais laminer, tu l'accroches dans ton salon, puis là, tu te nourris d'émotions. Ben, là, quand... tu insultes un paysage. Tu l'insultes parce que tu l'as photographié? L'humain n'est plus en relation énergétique avec de l'instantanéité puis de la réalité. L'humain est en relation émotive. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est plus vous, pantoute, qui vous nourrissez, vous n'êtes plus là. C'est la partie répétitive qui s'en nourrit. C'est uniquement ça. La première fois que tu entends un morceau de musique qui te fait vibrer un point tel que tu as des larmes qui te viennent aux yeux, mais la 20e fois que tu l'entends, c'est plus ça. Sauf si chaque fois tu es neutre quand tu l'écoutes. Mais sinon, c'est plus ça. Tu l'aimes, tu aimerais peut-être avoir la même chose, tu recherches la même chose, il n'y a pas la résonance vibratoire. Pourquoi? Quand je vois mes fleurs pour la première fois, mon ego me laisse libre. Il n'y a rien à se nourrir de ces petites petites fleurs-là. Quand je les revois pour la 30e fois, l'ego est là, puis à travers mes yeux, il vient s'en nourrir. Il veut se servir de l'onde de forme des fleurs, donc de l'image des fleurs, pour pouvoir stimuler chez lui une réaction endocrinienne de l'émotion, se nourrir de ça. Alors moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas bénéficier autant du paysage parce qu'il y a maintenant le virus qui se pointe en même temps que moi. Mais comment tu peux l'empêcher, ça? Disons, je reviens à ton exemple de morceau de musique de tantôt. Tu l'entends la première fois, tu as un sentiment, tu te nourris de son énergie. Tu vas l'entendre possiblement par accident ou autrement, au radio, une deuxième, troisième, quatrième ou cinquième fois. À ce moment-là, c'est l'ego qui va nostalgiser puis qui va faire, comme tu dis, qui va vouloir s'en nourrir. Mais tu ne vas pas changer de poste de radio toutes les fois qu'il joue le même morceau que tu as déjà entendu. Comment empêcher que l'ego s'accapare l'énergie? Il y a deux choses. La première chose, évidemment, c'est qu'on ne doit pas... On va être encore manipulé à le faire, parce que je répète ce qu'il faut bien que l'humain saisisse pour finir par avoir la paix un peu plus sur la planète, dans sa vie, dans sa mort, dans sa vie, puis dans son évolution. C'est qu'il doit totalement faire le discernement entre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. ça, c'est extrêmement utile de comprendre le principe. Puis normalement, bien, la majorité des personnes, on peut l'apprendre. Mais ce n'est pas question de l'apprendre. La question, c'est de le faire. Et pour ça, l'humain doit s'arrêter de temps en temps pour juste faire le point. Vous transpirez, vous avez honte, vous avez peur, vous avez chaud, vous êtes content, contente, n'importe quoi. C'est jamais vous autres. Il faut qu'on prenne le temps d'arrêter pour observer. Parce que si on fait rien que se poser la question, puis bien souvent, est-ce que j'ai désiré ça? Est-ce que je peux arrêter quand je veux cela? Est-ce que c'est intelligent ceci ou cela? Puis il faut faire attention, parce que l'ego, c'est un mot du charrieur. Est-ce que c'est intelligent? Ben oui, c'est intelligent! L'ego vient de répondre, puis il répond ça uniquement parce que ça lui plaît. Ça nourrit. Est-ce que c'est intelligent de cultiver des fleurs pour les tuer, puis continuer à en cultiver pour les tuer, puis continuer à en cultiver pour les tuer? Ben oui, c'est intelligent. Si j'en veux dans la maison, il faut bien que je fasse ça. Mais non, c'est logique. C'est pas intelligent. Quand on dit c'est logique, c'est égoïque, c'est égo. Bien souvent. C'est pas écologique, c'est logique. T'sais, c'est bien évident. Si vous voulez avoir... pour un gars, c'est totalement logique. S'il veut coucher avec une fille, ben, il quitte à la droguer puis à faire n'importe quoi. Il va coucher avec. C'est logique. Alors, l'ego va répondre, ben oui, c'est intelligent. Et c'est ça que je veux. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est même pas ça qu'il veut. Mais c'est ça que son ego veut. Mais pas l'humain. Pas l'homme, pas la femme. Mais l'animal, la partie virale, la partie qui cohabite avec. C'est ça qu'elle veut. Répéter les choses. L'homme, la femme... Parce qu'il est collectif, peut-être, voudra avoir une relation sexuelle entre jeunes en bas âge, uniquement pour être normal. Mais la fois qu'il a goûté à ça, il y a tellement d'hormones qui sont sécrétées, après ça, il est mal pris. Parce qu'après ça, il fabule, après ça, il rêve, après ça, il pense, après ça, il déshabille les autres quand il voit sa rue. Après ça, il est extrêmement mal pris. Moins chez la femme, parce qu'elle n'a pas autant de sécrétions endocriniennes dans une relation sexuelle que le bonhomme. Mais l'être humain là-dedans, lui, c'est pas ça. Oui, mais physiquement, là, on est fait comme ça. On n'est pas fait comme ça. Attends, on habite dans un corps. Le corps physique est fait comme ça. Oui, mais il y a une grosse nuance. Mais comment tu fais pour l'empêcher de sécréter? Empêche-le pas de sécréter. Mais tu l'empêches de s'en rappeler? Pour commencer, c'est même pas ça qu'il faut faire pour canaliser le facteur émotif d'une façon constructive. C'est même pas ça qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Ben, il faut juste prendre conscience que c'est pas nous autres. Mais en prenant conscience que c'est pas nous autres, si par exemple j'ai peur, ça j'ai pas peur, c'est le corps physique qui a peur, c'est le corps physique qui sécrète, mais même oui, si je conscientise... Le corps physique qui court, puis mon ego il court dedans, puis moi je suis, pas le choix. Mais l'avantage qu'il y a à ça, c'est que plus tu es conscient de la mécanique, plus votre intelligence va prendre le contrôle sur le corps. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie de l'ego qui se nourrit immédiatement de ce que tu aimerais, être libre. Et il y a une partie de l'ego qui s'en nourrit immédiatement, puis elle va toujours être en train de crier que ça prend trop de temps, puis en train de crier qu'elle est faible, puis en train de crier... Mais c'est même pas vous autres, ça. Est-ce que ça va changer quelque chose que vous vous plaigniez, que vous êtes malheureux ou malheureuse? Non. Pourquoi vous plaigniez-vous? Faites-vous-en pas. Si votre intelligence répond non, vous ne vous plaignez pas. Sauf que par la radio, votre bouche, votre corps physique, il y a quelqu'un qui vient jouer la note. Ah, misère! Ah, malheur! Bon. Mais ça, c'est pas vous autres. Quand il pleut, tu chiales. Quand il fait froid, tu chiales. Quand il fait chaud, tu chiales. Parce que, tu sais, le climat, le temps, il n'y a rien de mieux. Bon. Pourquoi? Parce que les conditions climatologiques influencent le corps physique. Le corps physique est un baromètre. Il y a une masse de structures dans l'humain qui réagit à la température. Bon. Comme l'humain se fie uniquement sur ce qui se passe dans son corps physique pour déterminer l'état qu'il vit, ben oui, c'est sûr que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ah, c'est peut-être la température, c'est peut-être. Vous n'êtes pas de mauvaise humeur aujourd'hui. Là, vous dites, bon, ben, je vais essayer de dire, de parler comme si je n'étais pas de mauvaise humeur. Et que ça va bien. Oui, mais l'idée, là, c'est qu'on doit discerner. C'est pas toi. Oui, mais je parle encore de même. Non! Ça parle encore comme ça. Tu ne parles pas comme ça. C'est pas toi qui parles. Tu parles pas comme ça. Faut observer les mots qui sortent de la bouche. Oui, c'est comme si ton haut-parleur est mauvais. Fait que chaque fois que ça parle, ça griche. Mais le chanteur, il griche pas quand il chante. Mais quand t'entends, ça griche. Bon, mais ça sert à rien de dire, oui, mais gars, ma voix, elle griche encore. Elle griche pas ta voix. Et c'est la même chose. Ouais, mais là... Mais est-ce qu'à force de dire que le chanteur, il griche pas, puis que le haut-parleur, il griche, le haut-parleur c'est va s'ajuster tout seul? C'est pas à force de le dire. Faut que tu le décodes. Faut que ça devienne partie intégrante de ta conscience. De l'observer, de le réaliser, d'en prendre conscience. Oui. Quand t'en prends conscience, est-ce que le haut-parleur se corrige tout seul? Mais c'est ce qui va arriver. qui va arriver simplement, c'est que progressivement, parce que plus vous allez prendre conscience que vous êtes ce que vous êtes, plus vous allez être capable d'être le maître contrôleur chez vous, dans le corps. Mais pas en disant, crime, il faut que je contrôle. Faut pas que tu contrôles, il faut que tu sois là. Ben oui, mais comment veux-tu que je sois là? C'est pas toi qui écris encore, c'est la partie de l'ego qui pense qu'elle évolue. Mais c'est pas toi. Tu cries pas, toi. Est-ce que tu es intelligent de brailler, puis de chialer, puis de crier, puis d'oser péter, puis etc. Ça sert à rien. D'un ego à un ego, oui. Quand un ego comprend rien, ben là, tu donnes un paquet de bêtises, là, puis il finit par comprendre. Il n'a rien compris. Il y a eu tellement de choc, tellement peur, puis il est tellement gavé de ton énergie que l'ego change. D'un ego à un ego. Mais ça recommençait tout le temps. T'sais, on vit pas. Puis c'est quoi la relation qu'on veut, dans notre maison ou à notre travail? C'est quoi la relation intéressante, disons, dans notre foyer ou avec nos amis? Une relation de, où on se cache tout, parce que tout ce qu'on dit peut servir contre nous autres. Une relation toujours en train de se créer des bêtises. Une relation toujours en train de se mentir, de se camoufler, de se cacher. Mais c'est pas nous autres, c'est l'ego. C'est l'ego. L'ego, il joue ça. L'ego, là, il se bâtit des mémoires, des structures. Puis pourquoi il faut toujours qu'on se cache? Mais pourquoi que l'ego, lui, pourquoi il veut se cacher? Pour pas découvrir que c'est une fabulation. À un moment donné, il disait, crime, mais comment tu fais de parler en avant? Moi, je serais jamais capable. C'est évident que l'ego ne serait jamais capable. Mais la personne, ben oui, elle serait capable, c'est Kétène. Canaliser l'énergie de l'émotion, au départ, c'est minimum être capable de bien structurer dans l'application ce que l'on est et de ce que l'on n'est pas. Pourquoi? Parce que là, il y aura une séparation entre toutes les émotions qui se vivent chez nous et nous autres. Alors déjà en partant, oui, mais là, on le regarde, j'ai les mains qui transpirent. Oui, tes mains transpirent. Mais toi, tu transpires pas. Si tu pourrais contrôler tes mains, est-ce que tes mains seraient moites? Ah non, c'est réglé. Tu ne transpires pas. Puis là, l'imbécile d'ego va dire, ah oui, mais en attendant, je transpire quand même. Tu sais, si on est pratique. Mais la larme... Si on est pratique, si on est con. Tantôt, tu parlais du sourire ou des larmes qui peuvent couler, puis que ça pouvait être une réaction qui était bonne ou en tout cas qui n'était pas nocive. On les contrôle pas non plus. Quand ce qu'on vit un sentiment, une impression intéressante, on contrôle pas non plus le fait d'avoir une larme ou un sourire. Tu ne peux pas contrôler ce qui provient de l'instantané. Alors, ce qui provient des mémoires non plus? Ce qui provient des mémoires, l'ego s'amuse à les ramener. Alors, c'est plus facilement tangible un phénomène émotif, mémoriel, qu'un phénomène sentimentique instantané. Tu es en train de passer le respirateur chez vous, la radio, elle joue, et puis à un moment donné, il y a un morceau musical qui vient, qui te décroche. Bon, qui te fait vibrer. Tu n'as pas pu prévoir, tu n'as pas pu te dire, bon, ben, telle heure, il y aura tel morceau, fait que je vais synchroniser le poste de radio, puis je vais attendre qu'il joue pour être capable de triper. Là, c'est étant donné que c'est de l'émotion, tout ce qui va se passer, ça peut être un peu endocrinien. Ça n'aurait jamais la valeur que tu aurais voulu que ça aille. Pourquoi? Parce que tu es en train d'essayer de contrôler une mécanique, puis l'humain n'est pas le contrôleur, pas du point de vue de l'ego. Alors, tu passes à côté. Quand ça te surprend, c'est pour ça souvent que les humains vont dire, moi, j'aime ça, si tu me fais une surprise, un cadeau, quelque chose comme ça, j'aime ça quand on me surprend. Le facteur d'instantanéité. Ça fait 3 ans qu'on ne vous fête pas. Puis à un moment donné, vous rentrez chez vous, puis il y a des amis qui sont là, même si c'est des amis émotifs, c'est des vieux amis, qui vont te permettre de nostalgiser, mais il y a plein de gens qui sont là. Puis quand tu rentres, coucou! Là, il y a énormément d'énergie dans la résonance qui se passe, ça fait que le corps est ébranlé, la personne va avoir des larmes, même si c'est un homme, puis là, il veut contrôler, mais c'est niaiseux. Contrôle rien, puis il n'a rien compris. Bon. Puis là, mais c'est pas mes vieux amis, c'est même pas émotif. C'est simplement la surprise. Donc, l'obligation de vivre une instantanéité dans une communication énergétique. Là, c'est un sentiment, c'est pas une émotion. Là, c'est un sentiment. Après, la personne, quand elle a fini, là, tu sais, c'est de la nostalgie. Il va là, elle essaye de tout récupérer ce qui reste d'énergie en émotion pour pas oublier. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'année d'après, on recommence. T'as tellement pas oublié que ça peut pas avoir la même affaire. Si fait que là, ben, c'est plaisant, c'est le fun. Si tu l'as pas, tu vas être déçu, là, ça va des émotions encore. Ben oui. Parce que l'émotion veut s'en nourrir. C'est pour ça que l'humain a tant de problèmes, parce que finalement, ce qui est merveilleux, l'émotion le détruit pour se garantir que si ça se répète pas, ben, elle aura au moins la photo. Mais là, ce qui arrive à un moment donné, c'est que, comme c'est fréquent, tu veux aller voir un artiste, l'artiste, il est présent, Puis chaque fois que tu vois l'artiste, disons que tu as une résonance énergétique avec. Alors, tu rentres à la Place des Arts, et là, on a mis une grande, grande affiche de l'artiste. Alors là, quand tu passes devant la grande affiche, là, tu tombes en extase devant la grande affiche. C'est une de l'émotion. Puis là, finalement, ben, trois heures après, là, quand les gens sortent, là, ben, tu t'en vas. Mais tu n'as pas vu l'artiste. Pourquoi est-ce que tu t'es contenté de la photo? Parce que finalement, c'était même plus une réaction sentimentale, c'était pas un raisonnement. C'était uniquement une approche émotive de l'artiste que tu as besoin. Fait que tu vas collectionner les revues, tu vas l'afficher dans ta chambre, tu vas dépenser uniquement parce que c'est écrit poster de ton artiste sur la couverture de la revue. Mais ça, c'est l'animal humain fait exactement ça. Tu ramasses des trophées uniquement pour pouvoir t'en gaver, mais c'est uniquement émotif. Et là, tu canalises mal l'émotion. Canaliser l'émotion, c'est sûr, on parle du titre lui-même, canaliser l'émotion. La première chose que l'homme doit faire, la femme doit faire, puis l'enfant doit faire, c'est uniquement de s'entendre avec son ego pour être capable de discerner ce qu'il est de ce qu'il n'est pas. Si je prends n'importe quel être humain sur la planète, on le prend tel qu'il est, là, puis on décide que je demande à un être humain, bon, toi, qu'est-ce que tu es? Pas qui es-tu, qu'est-ce que tu es? Et puis là, on commence à sortir tous les facteurs de la psychologie de l'humain. Puis tous les problèmes qu'il peut vivre, puis tous ses espoirs, puis toutes ses recherches, puis tous ses désirs, puis toutes ses illusions, puis ses désillusions. Puis on met tout là. Ben, moi, je change de planète. Parce que c'est à peu près tout quelque chose. C'est à peu près juste des matières extrêmement basses. Le socialiste, au départ, c'est intéressant. Mettez ça dans les mains de l'humain, puis regardez ce qu'il en fait. Le communisme, ça peut avoir des bons côtés quand on étudie convenablement. Mettez ça dans les mains de l'humain, regardez ce qu'il en fait. La religion catholique, aimez-vous les uns les autres. Déjà là, c'est brillant. Les croisades, bien, on tuait tout le monde. Puis, on a continué la compagnie de Jésus, les jésuites, en ont massacré des gens. Et les missionnaires, partout, on envoyait les missionnaires pour aller pacifier les peuples, quand on donne une claque, quand l'autre joue. Puis après ça, on envoyait les soldats. Ça claquait à tabarouette. Ça l'appelle l'autre joue. Regardez les messages de Bouddha. Mettez ça des mains de l'humain. On est encore fini. Bouddha, à un moment donné, se nourrissait d'un grain de riz par jour. Achetez une statue de Bouddha. Allez voir. Le gros sapin de tous les côtés. C'est tout un gros Bouddha. Mais c'est pas ça, Bouddha. Et l'humain a retenu l'antagoniste de Bouddha. T'sais? Alors, il y a tellement de choses du genre, ce qui fait que si on étudie l'humain comme ça, l'humain, c'est pas grand-chose. C'est vraiment quand je parle de l'animal humain, c'est ça. Maintenant, si on étudie intelligemment, pas juste pas en mentalisant, là, en écologisant, en intelligentiant les choses, qu'est-ce que... Bon, là, on recommence. Vous vivez telle chose. Est-ce que c'est intelligent que vous viviez ça? Là, tu vois que ça a commencé à faire des nuances. Non. C'est intelligent que l'homme fasse la guerre. Non. C'est intelligent d'avoir encore le besoin d'aller à la chasse pour tuer. Et pensons-y, là, c'est-tu intelligent? Pas l'ego, ben oui, c'est ça d'intelligent. Ça nous fait prendre de l'air, ça nous fait... Il va me donner toutes les raisons intelligentes pour aller à la chasse. Parfait. Va-t'en dans le bois, prends de l'air, marche, fais du camping, rapproche-toi de tes amis, puis tue pas. La chasse, c'est la raison que va se donner l'homme viril pour être capable de s'écraser avec ses amis, d'avoir des contacts plus proches. Mais s'il va pas tuer, il ira pas dans le bois. Parce qu'il n'est pas pour dire à ses amis, écoute bien, on va-tu dans le bois, uniquement respirer de l'air, voir des paysages, ramer silencieusement sur le lac. Puis convaincre son patron que c'est plein de semaines de vacances pour faire ça. Eh oui. Puis parler ensemble. Mais non, on n'a pas des homos. Fait que tu ramasses ta carabine, puis tu t'en vas tuer. Même si tu ne tues pas. Je me disais, on n'a rien pogné. Puis c'était plaisant. Mais c'est ça, la raison. La gratuité, le vrai phénomène de l'amour, l'amour intelligent, il y a une gratuité. Il n'est pas basé sur une raison. Tu sais, les couples doivent s'aimer. Pourri. Pourquoi? Parce que ça devient un trophée l'un et l'autre. J'ai ta photo dans ma grange, là, dans ma chambre. Ouais, la même affaire. La semaine passée, tu disais que l'émotion tuait. Puis cette semaine, je lis dans les dépliants, nous pouvons nous guérir à l'aide de nos émotions. Ah, c'est effarant. On se demande qui c'est qui fait les textes. On demande, tu sais. C'est écrit, je passe une ligne à côté de l'autre, à part de ça. C'est une erreur de dactylo? Non, non, il n'y a personne qui travaille pour moi qui travaille avec une dactylo. Hein. OK, une erreur de traitement de texte. Ah, ou si c'est vrai qu'on peut se guérir avec nos émotions. Mm-hmm. Parce que les émotions appartiennent à l'ego. Oui, mais il faut faire attention. On ne peut pas se guérir avec nos émotions. Nos émotions, ça nous tue. Bon. On peut se guérir avec les émotions. Ça, c'est marqué nous nourrir de nos émotions. Et oui, mais c'est évident. Mais imagine-toi qu'on fait un pamphlet à un moment donné où on explique toute l'affaire au complet. Qui c'est qui va être capable de comprendre? Quelques personnes. Hey, tu fais une conférence sur la relation sentimentique. C'est ça. C'est un pamphlet publicitaire, ça. Comment se nourrir des émotions? Comment se guérir avec les émotions? Oui. Premièrement, tout le système de santé, les maladies, sont basées uniquement sur les facteurs endocriniens. L'endocrinologie, c'est la science médicale qui a la clé de la santé des corps physiques. Et de plus en plus, la médecine comprend cela. Alors, on va regarder simplement la ménopause chez la femme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand la femme a une ménopause, il y a un changement du point de vue endocrinien. Vu qu'il y a un changement du point de vue endocrinien, pas la femme, pas l'intelligence de la femme, l'ego de la femme, la mémoire de la femme ne se reconnaît plus dans le corps. Alors, psychologiquement, la femme, elle vit un changement. Il y a une déstabilisation, puis elle change. Mais uniquement parce que la femme se base trop inconsciemment sur ce qui se passe dans le corps physique. Alors, elle change. Et ça peut créer beaucoup de problèmes. Le traitement va être, on va donner des hormones. C'est ça que je vous dis. On donne des hormones, puis on restabilise la psychologie. Et comme quoi, le facteur psychologique est modestement relié au corps physique du point de vue hormonal. Quand l'être humain est malade, si l'être humain est stressé, si l'être humain est fatigué, si l'être humain digère mal, si l'être humain excrète mal, si l'être humain dort mal, tout ça au complet, question d'hormones. C'est évident que si vous mangez mal, il y a des glandes endocrines qui n'auront pas les éléments nécessaires pour fabriquer les hormones. Bon, alors on va dire, mais prends plus de fer, prends plus de ceci, prends plus de cela, ça va placer. Un hypo ou un hyperthyroïdie, la glande thyroïde, ça peut engendrer une hyperactivité, ça peut engendrer une hypoactivité. Personne est toujours lente, toujours en retard. Bon, elle a peut-être un peu d'hypothyroïdie. Question d'hormones, encore une fois. Bon, c'est uniquement ça. Et même que si on tripote, prenez n'importe quelle personne ici dans la salle, et puis on va juste doser certaines formes hormonales, puis on prend une personne calme, puis subitement, là, elle va être totalement en colère. Bon, on prend une personne colérique, on fait juste placer quelques hormones, elle est totalement sereine. On sait placer quelques hormones, c'est avec des médicaments. Oui. Ouais. Mais est-ce qu'on peut le faire autrement avec les émotions? Mais c'est ça. Si on comprend la mécanique, on va s'arranger pour obliger le cas, le corps, l'astral, l'ego, le vital qui l'entoure, hein? On va s'arranger pour structurer des événements. On parle de maladie. Alors, je souffre du foie, je souffre de pierre aux reins, des calculs. Bon. Je souffre de différents phénomènes, mal de tête, bon, des choses dans le genre. Il y a évidemment une question hormonale. L'acupuncture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite des méridiens. Les méridiens, il y en a qui sont yin, il y en a qui sont yang, il y en a qui sont en plénitude, il y en a qui sont vides, ça dépend des heures. Bon, c'est relié aux polarités planétaires. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que tout à l'heure, quand j'expliquais, c'est que le corps vital, et l'acupuncture traite le corps vital a des correspondances avec les glandes endocrines. Avec des centres endocriniens. En traitant l'énergie, on stimule des choses. C'est exactement comme si, en regardant mes fleurs ou en voyant quelque chose d'extraordinairement bien, certaines personnes viennent aux conférences et à un moment donné, ils se sentent tout chambardés. Parce qu'énergétiquement, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau du corps vital et ça crée une correspondance au niveau de certains phénomènes endocriniens, de certains centres endocriniens. Et l'ego ne comprend pas ce qui se passe. L'ego pense qu'il y a un problème, puis l'ego. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on fait de l'acupuncture, on oblige aussi des perturbations positives au niveau de certains centres d'énergie vitale, donc en l'occurrence les points d'acupuncture qui vont réagir sur l'un ou plusieurs des 63 points principaux et en majorité sur 1, 2, 3, 4 des centres, les 7 centres majoritaires. Ce qui se passe au niveau de l'acupuncture, c'est que bougeant cela, on oblige les sécrétions endocriniennes, on oblige des cessations de sécrétions endocriniennes, on fait juste jouer au niveau du système endocrinien. Et on engendre des réactions qui vont être des cures. Avec l'acupuncture, on peut guérir la grippe. Pas la prévenir, guérir la grippe. Oui, mais c'est viral. On peut guérir la grippe, on peut guérir les fièvres. Tellement de choses qui sont curables. L'asthme, qui est uniquement un phénomène psychologique, qui finit par avoir une incidence somatique, c'est-à-dire inscrite dans le corps physique, avec une cage thoracique rigide, avec des choses en genre. Mais c'est uniquement une question que toutes les voies émotives sont canalisées par des sécrétions endocriniennes qui obligent un bronchospasme, qui obligent une hypersécrétion de mucus, qui obligent des choses du genre. Mais simplement parce que c'est canalisé négativement, c'est-à-dire que c'est canalisé d'une façon, mais d'une façon qui est problématique. Il y en a d'autres qui vont le canaliser avec un pied qui se met à sauter, d'autres c'est des sécrétions gastriques plus avancées, ça fait amener l'ulcère à l'estomac. Bon, monsieur. Est-ce qu'un asthmatique peut contrôler autrement ou canaliser autrement son émotion? Ça va de soi. Comment il fait ça? On pourrait revenir. Maintenant, ce qui arrive, c'est que donc, comment canaliser l'émotion pour qu'elle nous guérisse? Mais si l'acupuncture, c'est uniquement une question d'aller perturber des centres vitaux pour qu'il y ait une correspondance endocrinienne, de façon à ce que ça règle le phénomène, on n'a pas besoin de tout connaître. Un magnétiseur fait la même chose. Il prend de l'énergie, il vous en donne, puis à un moment donné, ça crée une stimulation quelconque. Puis comme l'énergie, Mesmer parlait d'énergie animale, mais comme l'énergie d'un magnétiseur est de l'énergie hominale, on n'a même pas besoin de connaître la maladie de l'autre pour améliorer son état. Ça se fait. Et c'est l'avantage qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on est capable d'éliminer la mémoire, donc éliminons le conscient astral, conscient émotif, conscient mémoriel, l'intellect, éliminons le conscient inconscient, qu'on appelle l'inconscient, éliminons le sous-conscient, le subconscient, le supraconscient et le superconscient, éliminons tous ces signes-là. Puis automatiquement, l'humain est en santé. Puis automatiquement, l'humain répond à n'importe quoi, automatiquement, l'humain est capable d'avoir des réponses à n'importe quelle question, automatiquement, l'humain vit d'un savoir instantané, automatiquement, l'humain est en contact avec son esprit, avec lui-même, avec l'énergie supramentale, anciennement, dans l'étymologie, l'énergie christique. Automatiquement, l'humain sait tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Plus besoin de mémoire. Automatiquement, l'humain passe à l'initiation solaire. Automatiquement, l'humain passe dans l'ère de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau. Automatiquement, l'humain passe dans un phénomène de vie drôlement plaisante. L'abondance de temps et de matière, de libération matérielle vient l'entourer. Plein de choses s'éclatent. Tout ce qu'il y a, c'est que l'humain doit s'arranger pour se libérer du fait de la mécanique émotive. Quand on parle canaliser l'émotion pour se guérir, on peut considérer qu'à peu près 100% des êtres humains de la planète sont malades. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un état corporel similaire à celui d'un très jeune enfant. Les corps sont usés. Mais quand on vieillit, ça s'use normalement? C'est une maladie. Normalement, oui, mais pas intelligemment. Bon. Les corps sont usés, cardiaques, un peu d'athérosclérose, un peu d'artériosclérose, un petit peu de pierre de temps en temps qui sort, bon ça va aller, un peu de problèmes digestifs, on est fatigué, la grippe on en ramasse tout le temps, puis la grippe c'est uniquement une maladie qui attrape les faibles. Bon, les personnes fatiguées. Imaginez-vous que depuis le temps qu'on a de la grippe, de génération en génération, on est équipé. Fatiguez-vous le moindrement, c'est simple. On est l'hiver là, on vous tient deux jours debout. OK? Puis après ça, aller ramasser une grippe carabinée, vous êtes fait. Fatigue. L'humain est altéré. Si on est capable de comprendre la mécanique, puis à un moment donné, ce sera intéressant, mais chaque être humain devra faire quelque chose du genre. On a un médecin, à un moment donné, qui a loué plein de films comiques, puis il a ri, s'est guéri d'un cancer. Bon, c'était de l'émotion. En riant. On peut se guérir, évidemment, avec le phénomène sentimentique, ça, il n'y a pas de problème là. Sauf que l'humain ne peut pas contrôler la mécanique, l'humain doit simplement devenir transparent, c'est-à-dire que l'humain, donc vous, devez de plus en plus faire la séparation entre ce que vous êtes réellement et tout ce qu'on vous oblige à être. Bon, c'est autre chose. Mais parce qu'on est obligé à être, parce que l'ego ramasse plein de conneries, parce que l'ego est toujours en train de nous manipuler pour aller chez Dairy Queen ou aller à XYZ, étant donné qu'on est toujours un petit peu pris, on peut donc manipuler le manipulateur, donc on a intérêt à apprendre à se servir de la mécanique de l'émotion, parce que le maudit ego est toujours en train de tout récupérer en émotion, c'est correct. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'émotion est nécessairement une sécrétion endocrinienne. Et pour stabiliser le corps physique de temps en temps, bien, effectivement, si on vivrait tel genre d'émotion, il y aurait tel genre de sécrétion. Mais comment on peut savoir c'est que... C'est qu'il y a de l'acupuncture. Comment on peut c'est savoir... C'est pas 20 la fois, puis ça pique pas. Mais comment on peut savoir que telle émotion va guérir tel problème? C'est ça qui est l'affaire. Ça se fait. Où il y a le problème, c'est que si je te dis, moi, que si... Un de tes enfants te saute dessus puis te chatouille suffisamment, il va y avoir des réactions endocriniennes au niveau de ton corps physique, émotif ou pas. Si en plus t'aimes te battre avec, il va y avoir d'autres formes de réactions, et ça va guérir différentes pathologies, même plusieurs. Ça va guérir l'asthme, en tout cas chez lui, sans guérir l'ulcère d'estomac chez toi, il y a plein de choses qui vont se guérir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'émotivement, tu désires déjà te battre avec... Pour le guérir. Pour aller chercher ce qui va se passer là. Parce que là, il y aura des sécrétions hormonales qui seront comme l'emballage de ta pilule qui, elle, a des effets secondaires. Faut que tu proviennes encore un peu de l'instantané. Tu peux pas dire, tu sais, t'es en train d'écouter la télévision, écoute mal, ben là, tu sens un peu d'ébrûlement, là. Ouais, je vais aller chatouiller. Non, mais c'est toi, c'est là, On parlait de l'inhibition à un moment donné. C'est important. L'humain qui veut contrôler. Et quand je dis avoir du plaisir, bon, c'est facile. Contrôler l'émotion pour se guérir, c'est très facile. Est-ce que si on se laisse aller totalement, ben, se laisse aller, oui, c'est ça, se laisse aller. C'est-à-dire s'écouter ou s'autoriser à être ou à... Ça dépend, là. C'est plein de choses qui veulent dire plein de choses. OK, ben, je vais recommencer. Si t'es en train... Se laisser aller totalement... Ouais. Ben, totalement. Pour moi, ça veut dire, je vais expliquer ce que ça veut dire. Se laisser aller totalement, pour moi, ça veut dire, je suis en train de regarder la télévision, dans l'exemple que tu disais tantôt. Puis, soudainement, j'ai le goût, envie, ça me passe, là, de prendre le fils puis de le chatouiller. Pas parce que j'ai mal à la tête ou pas parce que ce que tu viens de dire, mais que c'est instantané, que c'est bon, un désir instantané. Si j'écoutais ça, est-ce que ça dicte quelles sont les formes d'énergie dont j'ai besoin pour guérir le problème? Uniquement si, puis vous devez apprendre à comprendre suffisamment ce que je dis là pour être capable de répondre à cette question-là. Tu as totalement raison. Seulement si, si quoi? Si c'est vrai, si c'est réellement instantané. Ou irréfléchi. Seulement si, quoi? C'est bon. Ça va fonctionner? Seulement si. C'est, je vois pas d'autre chose que ce que j'ai dit. Mais c'est ça qui est le problème! Il faut comprendre ce que c'est qu'une relation d'énergie, il faut comprendre ce que c'est qu'une synergie de communication, faut donc l'amour intelligent, l'amour réel, il manque une chose. Alors seulement si c'est en respect avec l'autre, ben, c'est... si ça respecte l'autre. S'il veut pas, lui. Ben, c'est ça. Eh bien, c'est secondaire. Alors c'est ça, s'il veut pas, c'est pas tu le respectes pas, donc tu le fais pas. Exact. C'est pour ça que ça paraît bien banal, mais c'est pas banal du tout. Il faut qu'il y ait une complicité qui s'installe, une fusion dans la communication. Puis là, effectivement, même si tu as de l'émotion, elle va te guérir. Pourquoi? Parce qu'il y a canalisation par l'intelligence entre les deux. Puis même, l'intelligence, c'est pas de l'intellectuance. C'est pas c'est quoi la cote de tel joueur de hockey ou ce qui se passe à la bourse ou le prix de l'or présentement. C'est de l'intellectuance. L'intelligence, ça existe chez tous les humains. Mais les corps physiques n'ont pas tous la capacité de l'exprimer sous forme d'intellectuance. Même un mongol peut être intelligent. Quand je parle de mongol, je parle d'un enfant qui est mongol ou un adulte qui est mongol, donc génétiquement mongol. Bon. Mais il peut être intelligent. Mais son intelligence ne lui permettra pas de conduire une automobile. Pourquoi? Parce que le corps physique n'est pas structuré pour que l'intelligence conduise une automobile. Et nous appelons intelligence souvent l'intellectuance. Mais ça n'a rien à voir. Donc, un bébé de 6 mois, tu peux avoir une communication dans l'intelligence avec lui. Les deux vont régler l'intelligence. Donc, il y aura une complicité fusionnelle. Et... il y aura guérison. Ça, par contre, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il y en a un des deux qui là, en a assez. Et c'est là que l'émotion devient mal canalisée parce que l'autre veut continuer. Là, c'est l'ego qui veut continuer. Et oui. Et c'est pourquoi, quand tu dis se libérer, laisser aller totalement... Non, c'est pas se libérer, c'est dans le sens se désinhiber, comme oui. la mais conférence... mais on ne se désinhibe jamais totalement. Enfin, on se désinhibe totalement dans des inhibitions, mais ça ne devient jamais... On se laisse aller complètement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui paraissent banales. Mais c'est la même chose. Vous avez une infection, je vous dis, mais prenez de la pénicilline. Vous me prenez ça, là, pendant 2 semaines, là, vous allez partir. C'est une niaiseux, maudit. On s'en fout que ce soit niaiseux. Mais c'est correct. Sinon, je vais vous dire, prenez ça, faites 20 push-ups par jour, allez à l'église, de l'oratoire, si possible, montez ça à genoux, avec des pads, c'est pour avoir d'autres infections là. Et vous devez passer, vous réveiller toutes les heures dans la nuit pour aller aux toilettes, même si vous n'avez pas envie. Et puis ça va fonctionner. Là, il y a beaucoup d'humains qui vont dire, ah bon, qui me semblait aussi, c'est parce que juste ça, tu sais. Mais c'est ça, je te fais faire plein de conneries uniquement pour qu'ils prennent les maudites pilules. Mais toutes les conneries, c'est le pour rien. Ça ne sert absolument à rien. Alors, bien souvent, c'est banal, c'est facile. Mais c'est simplement parce que l'ego est convaincu, l'ego fonctionne avec nourrir plusieurs parties de l'ego. Nourrir plusieurs parties de l'ego veut dire compliquer la vie, compliquer la structure, nourrir plein de choses en même temps. On n'a pas besoin de ça. Entre intelligence, on n'a pas besoin que la vie soit compliquée. Quand les personnes disent, ben oui, mais la vie serait plate, ça serait pas. Plate veut dire quoi? Elle veut dire qu'il y a un ego qui est plus volumineux, là, qui fondrait, qui diminuerait, qui vous laisserait en paix. Ça, pour l'ego, ça serait plate. Mais c'est pas plate, la vie. Quel plus quand ça va bien, moi, je sais, les choses vont de mieux en mieux, puis je trouve pas ça plate. Je m'ennuie pas. C'est bien correct. Mais l'ego s'en fout de l'ego. Si je laisserais l'ego parler tout bout de champ, j'irais des problèmes. Je parle là-dedans, pas parler, mais c'est écrit qu'on peut devenir plus créateur grâce à nos émotions. Comment on fait ça? Le système endocrinien peut vous rendre malade et peut vous détruire, peut vous tuer. Il peut restaurer la santé et son rôle est de conserver l'intégrité du corps physique. Bon, on l'a vu un peu la semaine dernière. Le facteur émotif, s'il est canalisé en fonction d'une transparence, donc votre intelligence s'exprime dans la communication et non pas uniquement votre ego. Votre ego vient s'exprimer en même temps. Mais, tant pis, c'est pas vous, laissez faire ça. C'est comme par exemple, tu tirailles avec ton gars, puis à un moment donné, il y a de l'ego des deux, une compétition. C'est ça qui est rendu à 16-17 ans, puis là, il faut absolument qu'il te plante, tu veux absolument te planter. Il y a de l'ego. Puis à un moment donné, tu lui dis, là, on est en compétition. Il dit, c'est vrai. Là, tu dis, c'est con. Il dit, oui. C'est fini là. Ah, maudit égo. Là, c'est une partie de l'ego qui récupère l'occasion pour pouvoir se grossir au détriment du reste de l'ego. Et là, vous continuez à vous battre. Il y a encore un peu la compétition, mais il n'y a personne maintenant qui sera frustré, qui perd ou qui gagne, on s'en fout maintenant. Fait que ton égo continue à s'exprimer, mais parce que c'est toi qui dirige la communication, on s'en fout qu'il soit là. Ne dérange pas. Alors donc, l'humain doit faire attention pour ne pas viser immédiatement une pureté totale. L'âme pure, il va l'avoir seulement quand il aura suffisamment vécu de négoïsation. Mais en attendant, l'ego est là. On s'en fout que l'ego soit là. L'idée, c'est qu'on essaie de vous prendre pour lui. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui est le créateur? Est-ce que c'est l'intelligence ou le quand on parle de créer, ça veut simplement dire être capable d'innover. Donc, d'amener du neuf. De pénétrer dans le neuf. Et ça veut simplement dire que, subitement, on va recommencer à avoir des idées qui vont fleurir. Mais les idées, ce n'est pas nécessairement des idées qui sont rentables, il y en a qui le seront. Ce sera, c'est pas méritoire, c'est pas grâce à nous autres qu'on aura des idées. Mais les idées vont être là. Ça peut être des idées de sortie. Regardez encore une fois. Être innovateur, créer, qu'est-ce que c'est créer? Qu'est-ce que c'est créer? C'est simple. Vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari. C'est plein. C'est ça. C'est ça, créer? Non. C'est ce que créer peut paraître plat, mais m'aider. Je suis un grand créateur. Ma femme me dit toujours que je suis plate. J'espère qu'elle ne se trouve pas qu'elle est plate, hein, en tout cas. Non. Bon. Mais, à un moment donné, l'humain va chercher, bon, on prend un jeu de société, l'habitude, la tradition, nourrir l'ego. Ce sera pas plate. C'est l'ego qui trouve que la vie est plate, pas vous autres. Alors, à un moment donné, dernièrement, je faisais un truc qui est juste intéressant. Je prenais deux personnes, puis je les plaçais face à face, puis je leur disais parler. Bon, comment ça va? Juste des conneries. Les individus sont extrêmement intelligents. Ça n'a rien à voir. Sauf qu'on est toujours en train de se chercher une raison de partir, une raison de faire quelque chose. Fait qu'on est assis, on est en couple dans la maison, là, puis il n'y a rien de bon télévision. Il n'y a rien qui nourrit l'ego. C'est ça quelque chose de bon. C'est bon. Et puis on invite-tu quelqu'un? Est-ce qu'on amène quelqu'un qui va amener suffisamment de spontanéité chez nous là, pour nous réveiller? Là? C'est ça. Et où la création, là? La création va te servir comment? Ton émotivité, si tu es suffisamment transparent par relation de synergie avec la personne avec laquelle tu vis, ce qui va arriver, c'est qu'il va se passer rien. À un moment donné, vous allez être assis, vous allez passer une soirée, peut-être la télévision éteinte, peut-être que vous n'allez rien dire, puis vous allez vous coucher super heureux. Peut-être que vous allez parler. De quoi on peut parler à soi? Ça, c'est con. L'instantanéité devrait amener quelque chose. Mais on cherche. Exemple, l'humain n'est pas capable. Moi, je prends quelqu'un à bord de mon automobile, et puis on s'en va à Rimouski, et puis je ne dis pas un mot. Puis l'autre personne, mais tout le long, elle est missionnée, elle devrait normalement entretenir quelque chose, tu sais, elle devrait briser la platitude du voyage, elle devrait, elle se sent coupable, puis moi, je me sens bien, moi, j'ai pas de problème. Ça veut parler, on peut parler, ça n'a rien à dire, on ne dira rien. C'est quoi le problème? Mais là, il y a un maudit problème, parce que c'est écœurant, les pancartes, que c'est le bord du chemin. Oh, ouais, c'est écœurant, mais là, j'y ouvre la fenêtre, elle peut vomir, ça veut, c'est bon. Penses-tu que l'affaire avec l'Union soviétique, ça va créer des problèmes? Moi, je suis d'accord avec toi, moi. Mais le taux que t'as, c'est pour ça que je l'ai acheté. Là, l'autre, là, mais c'est pour ça que les relations de couple, souvent, sont connes. Parce que tout ce qu'on avait à se dire pour briser la glace, là, c'était fait. Fait que là, comment c'est ça? C'est que ça fait ta banque dans mon auto, hein? Fais l'auto que t'as, il est encore. Pensez que l'Union soviétique, mais Mandali, là. Ouais, après 10 ans, là, je sais que t'as une belle auto. Hein? T'as plus rien à dire. Qu'est-ce que t'avais plus rien à dire? Mémoriellement. Tout ce que la société, la tradition vous permet de dire, ça l'a été dit. Alors maintenant, ça devient plat. Pourquoi? C'est pour ça que si on devient suffisamment transparent, si on est capable de ne pas avoir besoin de raison, bien là, la créativité va commencer à apparaître. Émotivement, ça va être... on peut se servir de certains phénomènes. Ça va être, bon, est-ce qu'on joue aux cartes? Pourquoi on joue aux cartes? Pas pour jouer aux cartes. Uniquement parce qu'on a des égos trop cons. Puis les égos cons, là, sont tellement présentement présents dans la platitude qu'on a de la misère à être intelligent. Fait qu'on sort notre jeu de cartes, puis là, on étale nos cartes, puis là, tu te commences à occuper ton ego, puis là, peut-être que tu vas être capable d'avoir une relation qui va être plus intelligente. Émotivement, ça peut servir en ce sens qu'à un moment donné, il va avoir un plaisir qui va renaître. Parce que le plaisir renaît, c'est émotivement, parce que là, on nourrit le parti d'ego. On a du fun de jouer aux cartes avec le même couple depuis 20-25 ans, bon. Puis c'est tout le même qui perd, tout le même qui gagne, puis on sait qui triche, mais on s'en fout, etc. Bon. Mais ça nourrit, ça fait de la sécurité. Et parce que là, l'ego, il y a un petit peu d'émotion, on peut maintenant s'en servir. En ce sens, bon, ben là, tout va bien, là, on est en train de parler ensemble. On se prend une marche dehors, ça te tente-tu de... Tu sais, bon, il y a quelque chose, mon égard, pareil. Là, la marche devient aussi une raison. Bon, mais toi, toujours qu'on commence à jouer aux cartes, c'est quand je suis rendu au valet de cœur, on prend une marche dehors. D'accord. Mais à un moment donné, la marche devient aussi une raison. On sort. Est-ce qu'on parle? Peut-être pas. Mais là, c'est comme si l'ego est occupé, puis on est capable d'être bien. Ensemble. Mais ça, c'est du néotype. Les couples ont souvent la difficulté à vivre ça. Pourquoi? C'est du néotype. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie de ce que l'humain normalement vit.